traduire se dit traducir. Et on l'écrit T-R-A-D-U-C-I-R. Au présent, lorsque l'on veut dire « je traduis », on dira « traduzco ». T-R-A-D-U-Z-C-O. Donc, en utilisant « français », F-R-A-N-C-U-S pour « français », comment diriez-vous « je traduis du français à l'espagnol » ? Attention, en espagnol, « de » plus « el » donne « del » et « a » plus « el » « al ». C'est ça, « traduzco del francés à l'espagnol ». Pour ces verbes, je trouve qu'il est utile de penser à la ville de Cusco au Pérou. Les verbes qui se terminent par « uzco » « u-z-c-o » prennent la terminaison « uzca » « u-z-c-a » au subjonctif pour donner un ordre au vouvoiement, un ordre avec « nous » et pour donner un ordre négatif. Comment écririez-vous « traduzca » ? Bravo, c'est bien T-R-A-D-U-Z-C-A. Comment diriez-vous alors à une personne que vous voyez « Il est important que vous traduisiez ce livre. » Es importante que traduzca este libro. Es importante que traduzca este libro. Donc, on a vu « traduzco » et « traduzca ». Faites attention à bien prononcer ces mots afin que ce son devienne de plus en plus familier et de plus en plus automatico. Traducir, traduire, est un peu embêtant au passé sans plongeoir. Il devient traduje, T-R-A-D-U-J-E pour j'ai traduit, et suit ce modèle pour les autres personnes. On obtient donc tradujiste, tu as traduit, tradujo, il ou elle a traduit, et tradujeron, ils ou elles ont traduit. Tous ces mots prennent un J. Comment écririez-vous alors tradujeron? C'est bien sûr T-R-A-D-U-J-E-R-O-N. Si tradujimos, T-R-A-D-U-J-I-M-O-S, signifie nous avons traduit, et en utilisant articulo, A-R-T-I-C-U-L-O pour article, comment diriez-vous nous avons traduit cet article hier? Tradujimos este artículo ayer. Tradujimos este artículo ayer. Voyons un autre verbe qui fonctionne comme traducir. Il s'agit de conducir, C-O-N-D-U-C-I-R, qui signifie, comme vous l'avez peut-être deviné, conduire. Au présent, il donne conduzco pour je conduis, et au subjonctif conduzca. En suivant le modèle de traducir, qui devient traduje pour j'ai traduit, comment diriez-vous? Hier, j'ai conduit la voiture de mon père. Ayer conduje el coche de mi padre. Ayer conduje el coche de mi padre. On a donc traduje pour j'ai traduit. Et conduje, C-O-N-D-U-J-E, pour « j'ai conduit ». Il ou elle a traduit se dit « tradujo ». Comment diriez-vous alors « hier, il a conduit la voiture de mon père ». Ayer condujo el coche de mi padre. Ayer condujo el coche de mi padre. Condujo s'écrit C-O-N-D-U-J-O. Tous les verbes « cuzco » c'est-à-dire se finissant par « ucir », U-C-I-R, suivent ce même modèle.